Bien, alors voici quelques transformations supplémentaires. Sachez que beaucoup de mots français qui finissent en E, E-U-X, comme par exemple curieux, finissent en O-U-S en anglais, qu'on prononcera us. Donc curieux se dit curious en anglais. C-U-R-I-O-U-S. Curious. Vous n'aurez généralement aucun mal à repérer ce type de mots et à apprendre à les employer. Alors, de la même manière que curieux donne curious en anglais, comment dira-t-on furieux? Furious. Furious. Et ambitieux se dira? Ambitious. Ambitious, c'est ça. Bien, donc vous voyez que ce n'est pas bien compliqué. Alors, il y a une expression, an expression, que je voudrais partager avec vous, qui est très courante en anglais. C'est « to have a good time », qui veut dire « passer du bon temps », littéralement « avoir un bon temps ».« To have a good time ». Alors, avant de nous lancer dans une phrase, je voudrais d'abord que vous me donniez la traduction de « fabuleux » en anglais. Fabulous. Fabulous. Pensez à la série télévisée « Absolutely Fabulous ». Alors, maintenant, imaginons que vous revenez très enthousiaste d'un voyage à New York. Comment direz-vous, en employant le mot « fabulous », « nous avons passé du très bon temps à New York », mot à mot ça donnerait « nous avons eu un temps fabuleux à New York ». Mais ici, on ne parle pas de la météo, mais bien des moments passés là-bas. Vous allez avoir besoin de la forme de « to have » au passé, qui, comme vous le savez peut-être déjà, est « had », H-A-D. Alors, encore une fois, nous avons passé du très bon temps, du temps fabuleux, à New York. We had a fabulous time in New York. We had a fabulous time in New York. C'est-à-dire que vous avez passé de merveilleux moments là-bas. A fabulous time. Si c'est du temps qu'il a fait, que vous voulez parler, donc de la météo, alors ce n'est pas time qu'il vous faudra employer, mais weather. W-E-A. T-H-E-R. Alors, est-ce que vous pourriez me redire la traduction de temps dans son sens météorologique? Weather. Weather, bien. Mais revenons à votre fabuleux séjour à New York. Si nourriture se dit food, F-2-O-D, comment direz-vous la nourriture était délicieuse? The food was delicious. The food was delicious. Oui, avec le son chus à la fin. Delicious. Alors, est-ce que vous pouvez répéter la phrase en entier? La nourriture était délicieuse? The food was delicious. The food was delicious. Bien. Alors, changeons de sujet. Vous connaissez peut-être déjà le verbe to look. L-2-O-K, qui veut dire regarder. Eh bien, ce verbe sert aussi à rendre l'expression « avoir l'air ». Donc, par exemple, « il a l'air jeune », ça sera, et là, pensez à ajouter le « s » final au verbe, puisqu'il s'agit de « il ». Alors, « il a l'air jeune », mot à mot, « il regarde jeune ». He looks young. He looks young. Il a l'air jeune. Oui, donc, avec « to look », employé dans le sens de « avoir l'air ». Bon, nous avons déjà vu aussi le tout petit mot « so », S-O, qui veut dire « alors ». Mais « so » peut aussi avoir le sens de « si » dans le sens « tellement ». Alors, comment direz-vous « elle a l'air tellement sérieuse »? She looks so serious. She looks so serious, oui, avec « s-e » en début de mot qui se prononce « si ». Donc « serious », S-E. R-I-O-U-S. Sachez que, comme en français, « sérieux » peut aussi vouloir dire « grave ». On l'emploie d'ailleurs souvent dans ce sens en anglais. Par exemple, pour parler d'un problème ou d'un accident grave, donc « sérieux ». Alors, comment direz-vous « il a eu un très grave accident il y a 2 ans » Alors, commençons par le début de la phrase. « Il a eu un très grave accident. » He had a very serious accident. He had a very serious accident, il y a 2 ans. Alors c'est ici que vous allez avoir besoin du petit mot ago, A-G-O, que vous avez peut-être déjà vu avec Michel Thomas. Ago, qui veut dire « il y a », dans le sens de « ça fait ». Ici, « ça fait 2 ans »,« il y a 2 ans ». Alors attention, comme Michel Thomas vous le signalait déjà, « ago » doit être placé en dernier. Donc on dira mot à mot « 2 ans, il y a ». Alors sachant que « 2 » se dit « to », T-W-O, et « année »,« en » se dit « year », Y-E-A-R, comment direz-vous « il y a 2 ans », littéralement « 2 ans, il y a ». 2 years ago. 2 years ago, c'est bien ça. Alors, encore une fois, il a eu un très grave accident il y a 2 ans. He had a very serious accident 2 years ago. He had a very serious accident 2 years ago. Right. Donc, vous voyez que cette transformation de mots français en EUX vous permet de deviner bon nombre de leurs équivalents anglais en OUS.